Ah, monsieur Crevel, si vous vouliez être mon ami, quittez vos idées ridicules. Ridicule, madame, ne vous démolissez pas ainsi. Regardez-vous. Je vous aime et vous viendrez à moi. Je veux dire un jour à Hulot, tu m'as pris Josepha, j'ai ta femme. C'est la vieille loi du talion, et je poursuivrai l'accomplissement de mon projet, à moins que vous ne deveniez excessivement laide. Je réussirai, voici pourquoi, dit-il en se mettant en position et regardant Madame Hulot. Vous ne rencontrerez ni un vieillard, ni un jeune homme amoureux, reprit-il après une pause, parce que vous aimez trop votre fille pour la livrer aux manœuvres d'un vieux libertin, et que vous ne vous résignerez pas, vous, baronne Hulot, sœur du vieux lieutenant-général qui commandait les vieux grenadiers de la vieille garde, à prendre l'homme d'énergie là où il sera, car il peut se trouver simple ouvrier, comme tel millionnaire d'aujourd'hui se trouvait simple mécanicien il y a 10 ans, simple conducteur de travaux, simple contremaître de fabrique. Et alors, en voyant votre fille, poussée par ses 20 ans, capable de vous déshonorer, vous vous direz « Il vaut mieux que ce soit moi qui me déshonore, et si Monsieur Crevel veut me garder le secret, je vais gagner la dot de ma fille, 200 000 francs, pour 10 ans d'attachement à cet ancien marchand de gants, le père Crevel. Je vous ennuie, et ce que je dis est profondément immoral, n'est-ce pas? Mais si vous étiez mordu par une passion irrésistible, vous vous feriez pour me céder des raisonnements comme s'en font les femmes qui aiment. Eh bien, l'intérêt d'Hortense vous les mettra dans le cœur, ces capitulations de conscience.